Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Eureka! Je lis les cartes comme je lis le livre, disait Jean Giono. Les cartes géographiques sont bel et bien un livre ouvert sur le monde depuis les temps les plus anciens, une projection de l'humanité sur son environnement partant d'une abstraction. Comment est-on parvenu à cartographier les mers et les continents et que nous dit l'évolution de ces représentations sur notre façon d'habiter le monde? Voilà résumé en deux questions l'itinéraire légendé que nous allons suivre aujourd'hui à la frontière entre la carte et le territoire. Carte des plans sur la planète, c'est l'invention géographique qui va nous occuper pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de ce monde en carte, j'ai le plaisir de recevoir en studio Geoffrey Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant au Centre Alexandre Coiré et à l'EHESS et chercheur associé à la BNF au département Cartes et Plans. Nous sommes également en ligne avec Jean-Marc Besse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes également président de la commission du Comité français de la cartographie. Et pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter la voix du géographe Maximilien Sor, qui en 1954 parlait de l'importance des cartes. Le premier stade de toutes nos enquêtes à nous géographes est l'établissement d'une carte, et l'on n'exagère guère en disant que tout effort d'analyse dépend de l'exactitude et de la richesse de la représentation cartographique. Nous sommes là en présence d'un mode d'expression fort ancien, et nous restons encore étonnés de l'ingéniosité avec laquelle des navigateurs incultes ou des nomades ont su figurer les contours des terres et des mers, c'est-à-dire transmettre leur connaissance des lieux et de leurs positions respectives. Ces planchettes sculptées par lesquelles les Esquimaux ont représenté la configuration des rivages orientaux du Greenland et des îles voisines permettent aussi d'apprécier les distances d'une manière remarquable. Naturellement, chez les agriculteurs sédentaires, on imagine que le besoin de conserver la trace des divisions du sol a pu se trouver à l'origine des dessins cadastraux plus ou moins grossiers. La cartographie est un langage dont les titres d'ancienneté sont, on le voit, respectables. C'est grâce à elles que les hommes ont exprimé d'abord leur conception de l'espace terrestre. La voix de Maximilien Sor, une réaction à cet archive, Jean-Marc Besse, où le géographe parle de la cartographie déjà comme d'un langage. Oui, enfin moi je retiendrai en vérité immédiatement deux choses. Effectivement, c'est un langage qui permet, comme nous venons de l'entendre, qui permet à des sociétés d'exprimer leur conception de l'espace et du monde de façon plus générale. Et puis, donc ça c'était un point que je trouve tout à fait essentiel, qui montre justement, enfin, si l'on veut bien suivre Max Sor, et je le suivrai volontiers sur ce point, qui montre que la cartographie, entendu au sens très large, sur lequel on reviendra peut-être, c'est véritablement l'expression, parfois extrêmement élaborée, hein, de, mettons, de conceptions culturelles, de croyances sociales, et évidemment, bien entendu, de concepts scientifiques. Ça, c'est un premier point. Mais l'autre chose que je retiens dans le propos de Max Sor, c'est que comme vous l'avez entendu, il ne réduit pas la création cartographique à l'univers, on va dire, européen ou occidental, hein, et encore moins à l'univers moderne et contemporain, hein, puisqu'il évoque les Inuits, et on pourrait trouver finalement, dans bien d'autres endroits à la surface de la planète, des productions ou des créations cartographiques, ou en tout cas des représentations figurées de l'espace que l'on peut ramener, relier à la production cartographique. Et ça, c'est un point que je trouve extrêmement important. Geoffrey Philippot, une réaction à cette archive que j'ai diffusée en préambule de cette émission. Oui, tout à fait. Bah, je m'inscrirai dans ce que vient de souligner Jean-Marc Besse. Hein. En accent plus la réflexion autour de justement ces planchettes de bois des Inuits, ça montre finalement que la carte n'est pas forcément sur une feuille de papier, hein, elle peut prendre diverses formes. Et donc ça pose finalement aussi la question de qu'est-ce qu'une carte, hein. Mmh. Est-ce qu'une carte c'est forcément une représentation plane sur un papier, ou est-ce que ça peut aussi prendre des formes sur des tablettes d'argile, sur du papyrus ou... diverses formes finalement. C'était une question que je souhaitais vous poser, Jean-Marc Besse. Quels critères font que, en observant une tablette, un papyrus, on peut se dire ça c'est une carte et c'est pas autre chose ? Ah, c'est une question à la fois centrale et tout à fait complexe. Pour y répondre, peut-être je ferai un petit détour, ou plutôt je prendrai comme exemple un événement récent dans le domaine de la préhistoire, qui est la redécouverte, si l'on peut dire, de la dalle ornée de Saint-Bélec dans le Finistère. Hein, je crois que vous en avez parlé également, enfin il en a été parlé en tout cas sur France Culture. Alors c'est très intéressant parce que les deux collègues qui sont Yvan Palier et Clément Nicolas qui ont publié cette carte, ils utilisent un critère que je trouve assez intéressant pour considérer que justement cette dalle est une carte. Et ils disent voilà, évidemment c'est pas du papier, loin de là, hein, c'est un bloc de grande taille, oui. Hein, tout à fait important. Mais ce qu'ils y observent, c'est au fond. Bon, je passe sur les détails, c'est la présence de motifs répétés, réguliers, hein, de motifs que l'on peut appeler des motifs, mettons, géométriques, si vous voulez, et des motifs qui se caractérisent donc comme de la manière suivante, il y a à la fois des formes géométriques de type carré ou rectangulaire, si vous voulez, des zones piquetées, et puis des sortes de lignes, hein, en incision, qui relient ces différentes formes géométriques, si vous voulez. Et donc, on a affaire là à un graphisme, d'une certaine manière, un graphisme où l'on voit des motifs géométriques qui se répètent et qui sont reliés entre eux et qui forment un réseau, hein, qui donne donc une sorte d'ensemble cohérent et qui, d'après les collègues en question, finalement représente un territoire d'environ 30 kilomètres. Geoffrey Philippot. Les différents, accidents du relief. Donc on peut considérer, vous voyez, que un élément caractéristique de ce qu'on peut appeler la carte, c'est ce détour, si je puis dire, par l'élaboration d'une représentation graphique, quel qu'en soit le support, hein, comme disait Geoffrey à l'instant, quel qu'en soit le support, pas forcément le support papier, un langage graphique, et pas forcément d'ailleurs un langage géométrique au sens où nous sommes habitués, hein, à utiliser ce terme lorsque nous parlons de géométrie. Voilà. Et un langage, mais qui suppose un détour par une forme de représentation abstraite, ou pas que abstraite, puisque là, elle est terriblement incarnée, hein, dans un support de pierre. Vous voyez ? Et c'est ça le point, je trouve. Mmh. Hein, le point essentiel, c'est le fait que pour se relier, se rapporter à un espace dans lequel on vit ou dans lequel on ne vit pas d'ailleurs, hein, qui peut être un espace lointain, on a éprouvé le besoin de fabriquer, hein, une représentation. Geoffrey Philippot, d'où ça nous vient ce besoin de nous représenter schématiquement l'environnement dans lequel on évolue ou bien dans lequel on n'évolue pas, comme le disait à l'instant Jean-Marc Bess? Il y a plusieurs raisons à cela. Effectivement, je pense que d'abord, c'est le besoin finalement de pouvoir s'orienter, se repérer, se déplacer, imaginer cet espace dans lequel on peut aller ou aussi dans lequel on ne peut pas forcément aller. Moi, je prendrais un autre exemple, celui de la carte babylonienne, qui était considérée justement jusqu'à la découverte ou redécouverte de la carte ou dalle de Saint-Bélec, qui était considérée finalement comme un peu la première carte. Et qui, elle, est représentée sur une tablette d'argile, qui mêle aussi avec des écritures, 11 lignes d'écriture cunéiforme. Et puis, on a eu cette petite carte, qui est gravée donc, sur cette tablette d'argile, et qui représente finalement la ville de Babylone au centre, avec le territoire à côté. Donc, pour eux, c'était aussi un moyen, pour les Babyloniens, de se représenter un peu cet espace, et aussi de manière mythologique, on pourrait dire, puisqu'il y a cette relation aussi dans cette carte, celle de leur dieu, et puis celui de l'espace géographique. Jean-Marc Bess, les toutes premières cartes, est-ce qu'elles représentaient essentiellement la terre, la mer, le ciel? Qu'est-ce que ça voulait représenter? Tout dépend de ce qu'on appelle une carte, vous comprenez. Effectivement, il y a eu effectivement des représentations figurées, on va dire du ciel, en tout cas de quelques parties du ciel, les étoiles. Mais principalement, ce qui nous a été légué, ce que l'on connaît, les documents sur lesquels nous travaillons, c'est plutôt des représentations de très petites parties de la Terre, au fond, si on pense, bien entendu, aux périodes préhistoriques dont nous sommes en train de parler. Mais moi, j'aimerais insister sur ce point en posant une question un peu, non pas provocatrice, mais à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cartes? Je reprends votre question. Alors qu'on pourrait très bien s'en passer, alors que la plupart du temps, on pourrait s'en passer. Voyez, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cartes? Si on a besoin de cartes, ou si on a eu besoin de cartes, c'est pour, effectivement, pas simplement pour l'orientation, et il a bien entendu, Geoffrey a raison de le dire, on peut très bien s'orienter sans carte. Donc si on utilise une carte pour s'orienter, c'est aussi qu'on veut dire autre chose. Et ça, c'est un point que je trouve tout à fait essentiel pour la compréhension de l'invention de cet objet qu'on appelle carte, d'ailleurs, et dont il faudrait bien comprendre d'ailleurs que c'est un objet qui est un mot sous lequel se range une grande diversité d'objets en réalité. Vous voyez, et donc ce serait tout à fait important se demander précisément qu'est-ce que la carte apporte, qu'est-ce que les cartes apportent de plus que pour l'orientation, pour la situation, etc., pour la compréhension des espaces dans lesquels on peut se trouver, par rapport au fait que finalement on peut très bien vivre sans carte. Alors Ptolémée, mais on y reviendra, a une réponse que je trouve extrêmement puissante si on la commente. Dès le début de son manuel de géographie ou de cartographie, il dit que il parle de la map monde, mais je pense qu'on peut étendre ça à des cartes, qui portent sur des espaces, plus petits, donc à des cartes à d'autres échelles. Il dit la carte nous permet de saisir, de voir, d'une certaine manière, des réalités territoriales que l'on ne peut voir que sur la carte. Et ça, c'est un point qui est très important. Vous voyez, pendant très longtemps, comme vous savez bien, et même de façon tout à fait banale, toute une partie des territoires dans lesquels nous nous trouvons, nous ne pouvons pas les voir en totalité. Où est-ce que nous les voyons? Nous les voyons sur la carte. Donc la carte nous permet de voir ce que nous ne voyons pas, en fait, si je peux utiliser cette expression un peu paradoxale. Elle nous rend accessible une dimension d'invisibilité. Et ça, c'est un point que je trouve tout à fait important et qui montre bien que la carte est aussi, pas simplement un objet graphique, mais c'est aussi un objet mental. Un objet mental qui, Geoffrey parlait il y a un instant d'imaginaire, un objet mental sur lequel peuvent ou dans lequel peuvent s'insérer énormément de croyances, de conceptions, d'imaginaires. Et la carte, elle véhicule cela. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on a inventé la cartographie, mais la cartographie a permis d'inventer aussi d'autres choses. C'est un point de départ. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. France Culture. Je suis la carte, si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider, écoute-moi bien, je suis la carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Eureka. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Antoine Beauchamp. Je suis la carte. Dora l'exploratrice, c'est un moment qui vous est offert par France Culture. On poursuit dans notre histoire de l'invention des cartes et de la cartographie avec vous, Geoffrey Philippot. J'aimerais comprendre un petit peu quelles sont les premières représentations qui ont été réalisées sur cartes, aussi bien dans l'Égypte antique que dans l'époque babylonienne. On va passer vite sur cette période-là pour arriver rapidement à la Grèce antique. Mais voilà, à quoi servaient ces premières cartes dans l'Égypte antique notamment? Alors, en ce qui concerne l'Égypte antique, ces premières cartes servaient bien souvent de cadastre, hein, donc ça permettait finalement d'organiser un petit peu un espace, un lieu dans lequel vivaient les Égyptiens. C'est un peu la même chose, hein, pour les Babyloniens. Donc ça permettait ça. Il y avait aussi finalement aussi ce côté, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, sur les Babyloniens, ce côté effectivement religieux. Hein, il y a en tout cas de représentations mythiques et mythologiques qui s'inséraient à l'intérieur des deux. Et ça permet aussi de poser finalement cette question de qu'est-ce qu'une carte? Est-ce qu'une carte, c'est finalement une représentation, comme on a tendance à le souligner, une représentation plane sur toute une partie, tout ou partie du globe terrestre? Bien, finalement, non, hein, puisqu'on a effectivement ces cartes imaginaires, ces cartes imaginées également, et puis ces cartes voilà, babyloniennes, égyptiennes et bien d'autres hein, qui finalement... Le démontre. Jean-Marc Besse, est-ce que d'emblée on a voulu représenter le monde dans sa totalité ou bien est-ce qu'on représentait d'abord le territoire qui nous était proche? Bah, là encore, tout dépend qui est le « on ». Voilà, si on accepte d'élargir, je dirais, le monde des producteurs de cartes hein, à des univers culturels et sociaux qui ne sont pas européens, si on évoque, mettons, les Inuits, comme on l'entendait tout à l'heure, si on parle des cartes, mettons, océaniennes, etc., etc., là, on peut considérer que... Ces cartes, ces producteurs de cartes ne cherchent pas à représenter, on va dire, le monde au sens usuel de ce terme, mais ils représentent des territoires qui leur sont proches, plutôt des territoires dans lesquels, je dirais, ils peuvent se déplacer. Comprenez? Donc c'est ça le point, c'est-à-dire que c'est le cas également pour une bonne partie de la production cartographique, on va dire occidentale pour faire vite. Hein. Cela dit, hein, il y a une cartographie qu'on va dire scientifique qui s'est élaborée en particulier dans le monde grec pour faire vite. Hein, et effectivement, là, il y a eu des intentions qui étaient des intentions qui n'étaient pas simplement de représenter les territoires proches et connus. Hein, mais qui avait aussi pour ambition de représenter, on va dire, à la fois scientifiquement et philosophiquement d'ailleurs le monde, enfin l'ensemble de la terre connue, si vous voulez. Puisqu'on parle de ces savants grecs, Geoffrey Philippot, on peut peut-être évoquer une figure importante de ces prémices de la cartographie qui est Ératosthène. En quoi est-ce qu'il a posé certains jalons pour l'invention de la cartographie qui viendra bien plus tard au XIXe siècle? Alors c'est intéressant, Ératosthène, ce qu'il a fait, c'est tout simplement calculer le diamètre de terrestre, et donc à partir de là, il a finalement insufflé une forme de, oui, comme le disait Jean-Marc, de cartographie scientifique, hein, puisque c'est lui qui finalement va, par le calcul entre deux villes, Sienne qui se situe également en Afrique du Nord, et puis Alexandrie, il va calculer la distance entre ces deux villes, et puis ensuite, il va ensuite pouvoir le multiplier, et puis calculer justement cette distance, et donc à partir de là, bah, ça va permettre finalement de mettre un petit peu de scientificité, si l'on peut dire, hein, dans justement la cartographie. Et puis, quoi de mieux ou qui de mieux que les Grecs pour le faire, hein, puisqu'on sait très bien qu'ils ont posé les jalons mathématiques, la trigonométrie, etc., de calcul cartographique. Jean-Marc Besse, sur cette figure-là qu'incarnait Ératosthène et sur les premiers jalons qu'il a déposés en matière de cartographie. Oui, bah, je pense que Geoffrey a dit les choses importantes, hein, qu'effectivement la mesure, la mesure de la circonférence de la Terre, l'utilisation au fond d'un outil à la fois géométrique, mathématique et astronomique, hein, pour mesurer ce qui se passe à la surface de la Terre. C'est ça qui me paraît le plus important. C'est-à-dire le fait que il ne s'agit pas simplement d'un arpentage, c'est-à-dire d'un comptage de pas. On n'est pas simplement dans une mesure à la surface de la Terre, mais on fait le détour, si je puis dire, par le Soleil, enfin par les rayons du Soleil. C'est-à-dire on fait le détour par le ciel, vous voyez. On fait le détour par l'astronomie. Et comment on s'y prend justement? En l'occurrence, Ératosthène compare l'observation qu'il fait sur l'ombre de deux objets qui sont situés donc en deux lieux, Sienne, donc Assouan et Alexandrie, hein, qui sont considérés comme étant sur le même méridien, et c'est une observation qui se fait à midi le 21 juin, au moment du solstice d'été. Les rayons du soleil tombent directement à Sienne, tombent verticalement de telle manière qu'il n'y ait pas de... C'est dans un puits, hein. Mm-hmm. Il n'y a aucune ombre. Et puis, par contre, à Alexandrie, il y a une ombre. Hein. En comparant cette ombre qui se forme à Alexandrie avec la verticale, on obtient un angle, si vous voulez, hein, que font les rayons du soleil avec la verticale, c'est à peu près de 7 degrés, et à partir de là, en évaluant la distance terrestre, hein, qui est à peu près de 5000 stades entre Sienne, Assouan donc et Alexandrie, on peut par un calcul donc en déduire la circonférence de la Terre, qui fait à peu près 60 000 kilomètres, si je me souviens bien. Voyez, donc il y a ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait que il y a d'une part une activité de calcul qui utilise une technique géométrique, et puis il y a la mobilisation pour comprendre ce qui se passe sur la Terre, pour mesurer la Terre, d'un savoir astronomique, pour faire vite, hein, mm-hmm. Voyez, et ça va donner lieu à une grande tradition finalement, puisque ce sera d'une certaine manière l'inauguration d'une tradition qui sera reprise par Ptolémée, une grande tradition qu'on va appeler, mettons, la cosmographie, hein, c'est-à-dire cette idée qu'on ne peut pas étudier la géographie terrestre, on peut pas faire de la cartographie, hein, au sens où nous l'entendons encore aujourd'hui, sans mobiliser au moins en grande partie, hein, les connaissances délivrées par les études astronomiques. On peut jamais, voilà, se départir de ce besoin d'abstraction et d'éloignement du sol pour pouvoir le cartographier. Geoffrey Philippot, Jean-Marc Besse évoquait un terme, le méridien. Est-ce que les méridiens, les parallèles naissent dans la pratique cartographique d'Ératosthène? Et si oui, quelle importance ont ces concepts-là pour le dessin des cartes? Alors c'est important effectivement, parce qu'une carte, l'important c'est effectivement de pouvoir repérer le lieu de chaque point, de chaque ville, etc. Et donc ces parallèles, enfin ces latitudes et ces longitudes permettent finalement de créer ce quadrillage sur la carte. Alors Ératosthène l'utilise un petit peu, ce que je citerai plutôt, moi c'est plutôt Ptolémée, mm-hmm. Dans sa géographie, hein, justement il va... calculer, mesurer un certain nombre de latitudes et longitudes. Alors, je rappelle ici que Ptolémée a travaillé donc à la bibliothèque d'Alexandrie, hein, donc il y avait un certain nombre de connaissances qui étaient disponibles justement pour faire ce travail-là de synthèse d'une certaine manière, en tout cas d'enregistrement des connaissances dans sa géographie. Alors sa géographie, elle est certainement cartographique, mais on n'a pas finalement retrouvé de cartes, hein. On a plutôt des cartes de Ptolémée postérieures, hein, des réinterprétations byzantines au XIIIe siècle. Donc c'est ce qu'on va retrouver en cartes de Ptolémée, mais en tout cas dans sa géographie, je retiendrai surtout effectivement la méthode scientifique, hein, celui de, d'avoir finalement proposé ce quadrillage-là, hein, des latitudes et des longitudes pour faire une carte. Jean-Marc Besse, cette figure de Ptolémée, c'est vraiment la figure clé pour la naissance des cartes plus scientifiques, on va dire ? Bah, c'est une figure qui est assez essentielle, effectivement, dans l'histoire de la cartographie. On reviendra justement sur la place de la géographie de Ptolémée dans l'élaboration de la cartographie à la Renaissance en Europe. Mais en fait, il faut bien comprendre, effectivement, comme vient de le dire Geoffrey, on n'a pas les cartes de Ptolémée lui-même, à supposer même qu'il n'y en ait jamais eu d'ailleurs. Mais et donc les cartes dites de Ptolémée, ou elles sont des lectures, des réinterprétations, ou elles sont des cartes qui ont été réalisées à partir du livre de Ptolémée. Mais ce qui est intéressant, voyez, c'est ce que disait, c'est ce que vous rappeliez également, Ptolémée, effectivement, il a bénéficié, et ça c'est un premier point qui me semble essentiel pour la compréhension de l'activité cartographique de manière générale, mais peut-être encore aujourd'hui, hein, il a bénéficié d'une bibliothèque, c'est-à-dire qu'il a bénéficié de ce qu'on pourrait appeler, mettons, un centre de documentation, un centre d'information. Hein. Ce qui est important pour la compréhension, hein, de l'élaboration des cartes, c'est qu'on est dans un travail qui est en grande partie un travail de compilation à partir de données. Voyez, un des rôles importants du cartographe, c'est justement de rassembler, compiler, synthétiser, ordonner, coordonner en fonction d'un langage unifié. Voyez, et ça, c'était une des grandes innovations apportées, si l'on peut dire, par Ptolémée, c'est-à-dire la régularisation d'un langage, la mise au point d'un langage unifié. En fait, dans Ptolémée, vous avez plusieurs choses, hein, qui sont tout à fait essentielles pour l'histoire de la cartographie postérieure. Il y a une méthode de projection, hein, comment représenter graphiquement, donc géométriquement, si vous voulez, une sphère sur un plan, c'est quand même un des gros problèmes de la carte et de la map en particulier, oui. Hein, voilà. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi la présentation des méthodes, de la méthode dite des coordonnées, hein, en longitude et latitude, hein, qui jouera un rôle absolument essentiel pour l'élaboration de la cartographie moderne. Hein. Vous avez aussi, et ça c'est un point tout aussi important pour la mise en place, je dirais, de la compréhension géographique du globe terrestre. Vous avez un langage conceptuel qui, on voit par exemple dès le début de son livre, Ptolémée qui fait une distinction entre ce qu'il appelle la géographie, c'est-à-dire le discours qui concerne la Terre dans sa totalité, ou l'écoumène dans sa totalité. L'écoumène, oui. Ça c'est une notion clé de Ptolémée, on peut peut-être en rappeler la définition. Alors, disons que pendant très longtemps, et jusque finalement à la fin du Moyen-Âge, on a fait la distinction entre ce qu'on peut appeler l'écoumène, ce que les latins appelaient orbis terrarum également, c'est-à-dire le monde qui était habitable par les humains, hein, peut-être de manière plus générale par les vivants, et puis d'autre part la sphère, c'est-à-dire le béton, pour faire vite, le globe terrestre, si vous voulez. Mais ces deux espaces ne coïncidaient pas. Hein, voyez, la partie habitable ou habitée, hein, ne correspondait, si vous voulez, pour plus ou moins qu'à la partie tempérée supérieure. Enfin, le point a été discuté, mais enfin ça, ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y avait pas de coïncidence, si je puis dire, entre l'écoumène, pas de coïncidence spatiale entre l'écoumène et le globe terrestre considéré dans sa totalité. Hein. Un des grands événements, hein, de l'histoire de la géographie européenne, occidentale, ce sera justement le fait de, avec les grandes, ce qu'on a appelé les grandes découvertes, hein, de faire fusionner ces deux espaces, si vous voulez, à le moment où l'écoumène va finalement être considéré comme identique avec la totalité du globe terrestre. Donc il y a d'une part, je reviens à ce que je disais, le discours proprement géographique, et puis d'autre part, il y a par exemple chez Ptolémée également ce qu'il appelle la chorographie, c'est-à-dire plus ou moins ce qui correspondrait à la description régionale ou locale, voyez. Et donc il y a déjà un raisonnement en termes d'échelle spatiale, qu'on trouve chez Ptolémée. Et puis enfin, il y a une quatrième chose qu'on trouve chez Ptolémée, qui jouera un rôle, là encore, tout à fait essentiel dans la rénovation des études géographiques à la Renaissance, c'est que Ptolémée, eh bien, il compile, d'où l'importance de la bibliothèque, il compile quelque chose comme 8000 ou à peu près 8000 noms de lieux dont il donne les coordonnées en latitude et longitude, et à partir desquelles il sera possible, effectivement, de dresser une carte du monde. Vous voyez, donc, Ptolémée joue un rôle absolument essentiel dans l'histoire de la cartographie à différents niveaux. Et si essentiel qu'au point que les cartes d'inspiration ptolémaïque, parce que vous le disiez, Geoffrey Philippot, on n'a pas de cartes directement de la main de Ptolémée, mais ces cartes d'inspiration ptolémaïque, elles vont occuper les mains des voyageurs, des navigateurs pendant presque plus de 1000 ans, c'est ça ? Oui, d'une certaine manière. Alors après, ça, c'est plutôt les, comme vient de dire Jean-Marc, c'est aussi et surtout les méthodes, la façon de faire des cartes qui a énormément influencé les pratiques cartographiques de cette période. Et donc effectivement, on va avoir un petit peu cette vision du monde. Alors actualisée, si on prend par exemple l'espace arabe, les grands géographes, Al-Idrissi en particulier et bien d'autres, Al-Khwarizmi, qui lui va aussi par exemple reprendre Ptolémée, l'actualiser en fonction de ce qu'il entend et de ce qu'il souhaite montrer, finalement. Jean-Marc Besse, question d'enfant, pourquoi est-ce que sur les cartes, et est-ce que ça a toujours été comme ça, le nord est indiqué au nord? Pourquoi est-ce qu'on pointe vers le nord sur les cartes et est-ce que c'est une convention qui existe depuis toujours? Non, d'abord, c'est une convention qui n'existe pas depuis toujours. Elle est finalement récente, si l'on entend par là, que ça s'est stabilisé, si je puis dire, dans la cartographie occidentale au moment de la Renaissance, progressivement, pour faire vite. Toute une partie de ce qu'on appelle la cartographie médiévale, peut-être on abordera cela, mais en haut de la carte, plutôt l'Orient, l'Est. Et si l'on parle de cartographie nautique, de carte marine, on s'aperçoit que ces cartes sont destinées à être posées horizontalement sur un support et on en fait le tour. Vous voyez, donc il n'y a pas d'orientation déterminée. Et donc c'est effectivement tout à fait conventionnel. Et bon, on aura peut-être l'occasion d'évoquer justement la puissance de cette convention dans le développement de la cartographie, on va dire impériale ou coloniale, et la contestation au XXe siècle de cette manière d'orienter la vision du monde qu'on a pu connaître. La carte oriente notre vision du monde. À cette époque-là, à partir de la chute de l'Empire romain et jusqu'à la Renaissance, l'Église a une influence majeure dans l'établissement de normes et de dogmes culturels. Quel rôle a joué l'Église dans les représentations, Jean-Marc Besse, qu'on a pu se faire du monde et les représentations cartographiques ? Alors, bon, il faudrait peut-être faire un point historiographique. Ce n'est pas l'Église en tant que telle, si vous voulez. Il n'y a pas d'une part l'Église et d'autre part les savants. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Généralement, ça se mélange évidemment. Oui. Voilà. Et alors, donc, il y a une cartographie, si l'on peut dire, médiévale, tout à fait importante, élaborée, complexe, qui se développe à différentes échelles. Il y a effectivement tout le travail d'arpentage, il y a le travail de connaissance des territoires proches qui continue d'une certaine manière. Et puis il y a aussi, j'imagine que c'est à cela que vous faites allusion, les grandes maps mondes qui sont assez spectaculaires, dont on a retrouvé quelques exemples et sur lesquels on peut effectivement, on pourrait dire, à un premier regard, oui, c'est une vision, plus religieuse du monde. Mais si vous voulez, je crois qu'il faut être prudent par rapport à ça. Et ça correspond un peu à ce que nous disions tout à l'heure. Une carte est à la fois un objet dans lequel il y a de la connaissance, un objet dans lequel on inscrit des imaginaires, des intentions, des conceptions. Et ça vaut également pour les grandes map-mondes du début du XIVe siècle ou de la fin du XIIIe siècle, hein, celle d'Herdorf ou d'Ebsdorf, Herford et Ebsdorf. Effectivement, quand vous voyez ces grandes map-mondes, enfin les reproductions de ces grandes map-mondes, vous pourriez considérer qu'effectivement, il y a une dimension religieuse, parce que en haut, effectivement, vous voyez la figuration du paradis, vous voyez que le centre de ces map-mondes, c'est Jérusalem, vous voyez pour certaines d'entre elles que le fond, finalement, c'est le corps du Christ, d'une certaine manière. Oui, bon, d'accord. Mais en même temps, vous avez, quand vous regardez attentivement, énormément d'informations dans ces map-mondes. Et énormément d'informations sur la localisation d'un certain nombre de pays. Alors, les informations viennent de voyageurs, elles viennent aussi de la lecture des textes plus anciens, de l'Antiquité. Hein. Vous avez des informations, donc, non seulement sur la position des pays, mais aussi des informations sur leur histoire. Vous voyez, donc... On peut pas, si vous voulez, opposer de manière totalement absolue la dimension cognitive et la dimension religieuse, par exemple, dans ces productions médiévales. Ce sont effectivement des conceptions du monde. Oui. Et toute carte, finalement, est toujours à l'image du temps qu'il a fait. Je vous propose de rester avec nous. On va continuer dans un instant à vous raconter cette histoire de la naissance des cartes géographiques et des enjeux qui sont liés à ces représentations du monde. Et on va notamment parler du tournant qu'a représenté, bien sûr, la découverte de l'Amérique, mais aussi la naissance de la cartographie en tant que discipline. Atlas Air par Massive Attack à 16h38 dans Eureka sur France Culture, puisque nous parlons aujourd'hui de l'invention des cartes géographiques et de ce que ces représentations disent de notre rapport au monde, en compagnie de Geoffrey Felippo, qui est doctorant au centre Alexandre Coiré et à l'EHESS et chercheur associé à la BNF au département Cartes et Plans. Nous sommes également en ligne avec Jean-Marc Besse, directeur de recherche CNRS, directeur d'études à l'EHESS et président de la commission du comité français de la cartographie. Geoffrey Felippo, on est obligé d'avancer un petit peu dans le temps. Au milieu du XVe siècle, on invente l'imprimerie. Est-ce qu'immédiatement la carte devient un objet à imprimer et à faire circuler ? Alors c'est une bonne question. Effectivement, on invente l'imprimerie. Après, ça reste, ça peut rester un petit peu confidentiel malgré tout. Mais on va effectivement avoir, grâce à l'imprimerie, hein, une diffusion finalement de cette cartographie-là. Et donc, c'est aussi concomitant avec justement la découverte de l'Amérique ou la redécouverte de l'Amérique, hein, par Christophe Colomb. Tout le monde connaît très bien cette histoire, hein, cette erreur de calcul cartographique qui finalement lui permet de découvrir cette terre-là. Et donc, finalement, ça va être aussi une façon d'enregistrer, hein, ces nouvelles connaissances et de pouvoir aussi les concilier justement avec celles dont on a parlé tout à l'heure, hein, celles de Ptolémée et autres. Comment faire émerger, comment inscrire ce quatrième continent sur les cartes. Et l'imprimerie va justement, d'une certaine manière, faciliter et permettre justement une multiplication de ces façons de produire des cartes. Jean-Marc Besse, sur cette question à la fois de la découverte de l'Amérique évoquée par Geoffrey Philippot et de l'invention de l'imprimerie, est-ce qu'au XVe siècle se joue un tournant majeur pour l'histoire de la cartographie ? Ah oui, ça, certainement. Ce qu'on pourrait appeler la mise en place progressive, mais quasiment irréversible, hein, de ce qu'on pourrait appeler la culture géographique ou cartographique en Europe occidentale, hein, qui va se diffuser progressivement, même si ce sera assez lent, hein, dans les sociétés occidentales, ça c'est certain. Alors, l'imprimerie, oui, l'Amérique, oui, n'oublions pas l'Afrique. Je crois c'est un point quand même qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que quand on parle de Nouveau Monde, il faut bien avoir conscience qu'on en parle au pluriel, hein, que c'est véritablement dans toutes les directions de la boussole que les navigations, que les découvertes vont avoir lieu, qu'effectivement, va y avoir, effectivement, vous l'avez rappelé à juste titre, la découverte de l'Amérique, mais il y a aussi le fait de pouvoir longer les côtes de l'Afrique, hein, de passer par le Cap de Bonne-Espérance, de découvrir au fond, enfin, pour les Européens, parce que c'était un océan qui était très largement navigué déjà, hein, de découvrir l'océan dit Indien, hein, d'aller progressivement jusqu'à l'Asie du Sud-Est, hein, ce qu'on appellera maintenant l'Asie du Sud-Est, etc. Vous voyez, donc c'est véritablement, je dirais, dans toutes les directions, hein, qu'il y a cet événement spatial, hein, qui s'effectue pour la pensée européenne, et que la cartographie va à la fois relayer, accompagner, qu'elle va accueillir. On peut considérer que le travail des géographes, on les appelle les géographes, le travail des géographes va justement consister à élaborer progressivement, que ce soit dans des cartes régionales ou dans des maps mondes ou bien même dans des atlas, hein, qui vont être, dont la formule va être plus ou moins mise au point dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la géographie, les géographes vont d'une certaine manière mettre au point cette nouvelle image du monde. Voyez ? Alors, effectivement, l'imprimerie va jouer un rôle important au sens où, évidemment, ça va... Enfin, comment dire, ça va permettre la multiplication du nombre de cartes. Hein. Mettons, on compte, on n'est pas vraiment sûr, mais on compte que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on dispose d'à peu près 1000 plaques de cuivre, voyez, représentant des cartes, ce qui est tout à fait considérable, avec des centres de production cartographique en Europe qui sont tout à fait importants, Venise, bien sûr, Rome, et puis Anvers, Cologne, hein, qui vont progressivement, justement, mettre au point et diffuser la nouvelle image du monde. Une image du monde qui, va être, globalement dans un langage de type, je dirais, de type ptolébéen, comme on l'évoquait tout à l'heure. D'une certaine façon, les cartes illustrent et accompagnent ce boom de la mondialisation, et à cette même époque, il y a des techniques aussi cartographiques qui s'améliorent. Il y a un grand nom auquel on pense quand on pense aux cartes telles qu'on les connaît, aux planisphères, c'est Mercator. Geoffrey Philippot, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qui il était, puisqu'il a apporté à l'objet carte. Oui, tout à fait. Alors Mercator, ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure justement au niveau des projections, hein, quand on parlait de Ptolémée et son apport justement aussi des projections. Mercator, lui, vraiment, je vais insister dessus, et peut-être Jean-Marc Besse reviendra autrement, mais disons que déjà Mercator, bon, bah, c'était un géographe qu'on pourrait qualifier d'Hollandais, enfin voilà, dans cet espace-là en tout cas. Et puis effectivement, la carte majeure qu'il a pu faire, hein, c'est celle de 1669, hein, qui en fait finalement va porter son nom à la projection dite de Mercator. Et donc ça va être une carte très utile pour cette période, hein, surtout pour les Hollandais, puisque ça va permettre finalement de mettre l'Europe au centre et de faire en sorte que justement les navigations, les routes commerciales soient mieux représentées et ce soit plus aisé en fait finalement pour se représenter cet espace. Donc Mercator, voilà, j'insisterai dessus. Il va justement créer cette projection que l'on va encore avoir jusqu'à aujourd'hui, hein, même si par certains travaux elle a été contestée. En tout cas pour l'époque, elle représentait finalement un bon moyen de représenter ces routes commerciales de l'Europe. Et qu'est-ce qu'elle signifie cette projection, en tout cas qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'on peut rappeler quand même comment le monde devient une image à partir de cette projection qu'on utilise encore d'une certaine façon? Oui, tout à fait. Bah, alors on a l'Europe, hein, finalement au centre de ce monde-là, et voilà. Et donc ça va poser certains soucis effectivement. Et puis aussi on a cette projection. Donc on a plusieurs types de projections, hein, qui vont exister à cette période. On peut avoir la projection cordiforme d'Orense Finet avec justement une Terre finalement vue en cœur. Donc c'est de cette map monde. On a plusieurs projections et celle de Mercator pose des soucis aussi puisqu'effectivement elle va conserver les angles mais pas les surfaces, et donc finalement on va avoir une représentation qui va être très déformée au pôle, et puis finalement des continents comme l'Afrique qui vont être finalement sous-représentés par rapport à la taille normale. Mmh. Voilà. Geoffrey Philippot, vous travaillez sur les périodes du 17e, 18e siècle, est-ce que c'est à ce moment-là que la carte devient une espèce d'objet de consommation? Oui, tout à fait. À cette période, peut-être même avant d'ailleurs, mais ça devient en fait, comme l'a dit Jean-Marc Besse, finalement un objet qui va être multiplié. On va en faire des petites, on va faire des plus grandes, des moyennes, et donc finalement ça va être avec plusieurs tarifs, plusieurs prix, et donc ça va devenir de plus en plus abordable. Et effectivement, moi dans ma thèse, je travaille sur un cartographe qui s'appelle Nicolas Defer et qui est intéressant à plus d'un titre. Déjà, l'étudier, ça permet finalement de faire un petit pas de côté sur les grands personnages de la cartographie de cette période. Je pense en particulier au Sanson, à Jean-Baptiste d'Anville et à d'autres grands cartographes, puisque lui, finalement, il faisait des cartes aussi assez précises, mais aussi, il essayait finalement de les vendre pour en vivre, tout simplement. Hein. Et donc, ce qui est intéressant dans mon travail, c'est finalement de voir un petit peu comment il les vendait, comment il les produisait, et puis aussi de voir finalement que la carte à cette période, c'est un travail très collectif, hein, puisqu'on a le cartographe qui pense finalement la carte, mais on a aussi le graveur qui la grave, l'enlumineur qui, du coup, l'enlumine, le marchand qui la vend, l'éditeur qui, lui, finance finalement tout le projet. Donc, on a finalement une production, un savoir qui est très collectif à cette période. Jean-Marc Besse, on a fait un petit bond dans le temps pour arriver au XVIIe et XVIIIe siècle. Durant ces périodes, il y a un nom qui revient, c'est la dynastie des Cassini. Quel rôle ont-ils joué, ces Cassini, pour la fabrication des cartes? Bah, ils ont un rôle tout à fait important, évidemment, la famille Cassini, hein, parce que c'est effectivement... quatre Cassini, si je puis dire, hein, qui ont un rôle important dans l'élaboration de la première carte à la fois topographique et géométrique du Royaume de France. Hein, carte de Cassini ou carte de l'Académie, c'est une carte donc extrêmement importante dans la mesure où elle repose sur une triangulation géodésique, hein, c'est un énorme travail. En quoi ça consiste, le terrain, triangulation? Triangulation, donc c'est le fait de définir des localisations, hein, à partir d'angles de vue, si vous voulez, si je puis dire, c'est assez... comment expliquer? Il s'agit de déterminer la position d'un point en mesurant les angles entre le point que l'on veut localiser et deux autres points de référence dont on connaît par ailleurs la position. Voyez, et donc, on va se servir, hein, d'un système qu'on va appeler triangulation, puisque entre ces trois points sont supposés être les trois sommets d'un triangle, hein, dont on connaît donc la longueur d'un côté, hein, les deux points dont on connaît la localisation, et deux angles, et ainsi de suite. Donc, c'est une technique qui a été, ce ne sont pas les Cassini, hein, qui l'ont mise au point, hein, puisque c'est quelque chose qui est déjà connu et pratiqué dès le XVIe siècle, hein, justement par, en particulier par le professeur de Mercator, hein, Rainer Gemafrisius, hein, qui en donne déjà la formule, si je puis dire, mais une technique donc qui va être systématisée, je dirais standardisée, rationalisée, notamment par les Cassini, et donc un travail qui est très long, donc a duré 60 ans. Il a fallu trouver des points de repère, justement. Il a fallu rationaliser d'une certaine manière la totalité de la carte de France, on va dire ça comme ça. On continue d'avancer dans cette histoire de la cartographie et des cartes. Geoffrey Philippot, on en arrive au 19e siècle. Est-ce que c'est là vraiment que la cartographie naît en tant que discipline scientifique? Et qu'est-ce que ça a comme implication, le fait que la cartographie devienne une science? Alors, c'est une bonne question. Après, le terme de science est malgré tout un petit peu sujet à débat, effectivement. Oui. On pourrait le voir un peu après ou un peu avant. Est-ce que c'est le moment où la cartographie devient scientifique? Bon, en tout cas, il y a cette filiation, hein, ces héritages précédents, hein, qui vont permettre justement d'avoir toutes les techniques que l'on connaît. En tout cas, au XIXe siècle, c'est le moment où le terme de cartographe va apparaître, parce que là, on parle de personnages depuis le début qui sont plus ou moins très européens, et puis ensuite qui sont pas forcément des cartographes, hein, qui sont aussi bien des mathématiciens ou des astronomes, hein, comme on en a discuté. Et ça permet finalement de voir que même jusqu'au XIXe siècle, alors je parle sous le contrôle de Jean-Marc Besse, hein, mais même au XIXe siècle, on a finalement une discipline qui est très entremêlée à d'autres savoirs, hein, aussi bien l'astronomie, les mathématiques, etc. Donc est-ce que ça devient finalement une discipline davantage scientifique? Possiblement. Jean-Marc Besse, est-ce que ce qui change au XIXe siècle, c'est le fait que les cartes deviennent thématiques, et qu'est-ce que ça change? Je dirais qu'il y a plusieurs choses, effectivement, qui permettent de caractériser le moment du XIXe siècle. Donc, je reviendrai sur la cartographie thématique ou statistique, hein, auquel vous faites allusion. Ce qu'on pourrait dire, quand même, c'est que au XIXe siècle, il y a quand même la lithographie, hein, donc un procédé de reproduction des cartes qui va devenir beaucoup plus aisé, hein, qui va en permettre la diffusion. Il y a aussi le fait, que je crois tout à fait important, que, comment on pourrait dire ça, c'est une affaire d'État, ça devient une affaire d'État. Ça, c'est un point qui mériterait... C'est un point qu'on a assez peu évoqué, mais c'est vrai, voilà, que la carte est toujours l'illustration aussi d'un pouvoir. C'est un thème, thème qui mérite plus d'une heure d'émission, malheureusement. Voilà, tout à fait. Hein. Je pense qu'il ne faudrait pas du tout négliger cette dimension, je dirais, politique de la carte, aussi bien pour le contrôle des territoires, leur administration, leur aménagement, la gestion. Et au XIXe siècle, hein, on peut absolument pas négliger la puissance, le pouvoir de la carte dans les entreprises impériales et coloniales. Hein, la carte, là, quand on parle du pouvoir des cartes, là, c'est véritablement le cas de le dire, mais pour revenir alors il y a aussi un autre aspect, là, proprement, plus spécifiquement technique, hein, qu'il faut également évoquer dans le domaine du relevé, hein, pas que dans le relevé, mais aussi il y a le développement fin 19e et surtout 20e de la photographie. Bien sûr. Puis de la photographie aérienne au cours du XXe siècle, etc., qui va jouer un rôle très très important dans le renouvellement des langages, enfin des relevés cartographiques. Alors vous évoquiez la cartographie thématique ou statistique. Je pense que c'est pour le coup, là encore, le lieu d'évoquer la question de l'État. Voilà. La carte n'est pas simplement carte topographique, si je puis dire. Hein. On se pose aussi la question de savoir qu'est-ce qui se passe, ce que contiennent, hein, les espaces qui sont représentés, quelles activités, quel volume d'activités, quelle diversité des activités, etc. Et donc, on peut commencer à élaborer des cartes qui représentent spécifiquement ces activités que l'on va, comment dire, thématiser, si je puis dire. Hein, la carte des productions économiques, industrielles, de leur localisation, etc., etc. Ça a été un des grands développements, comme l'a montré Gilles Palski, un des grands développements propres au 19e siècle. Voyez, de pas simplement représenter les lieux, mais aussi essayer de représenter, je dirais, les types d'activités, les flux, par exemple. Hein, la carte devient beaucoup plus dynamique à partir du 19e siècle et du début du 20e siècle, notamment, vous le disiez, avec l'apparition de la photo aérienne, qui va beaucoup servir à la pratique de la cartographie. Geoffrey Philippot, si on fait encore un petit bond dans le temps, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, on en est aujourd'hui arrivé à un point où la carte s'écrit presque en temps réel avec les GPS, avec les satellites. Qu'est-ce que ça change à l'objet cartographique, cet aspect temps réel qui est omniprésent? C'est une vaste question, hein, dont je ne suis pas spécialiste toutefois, mais c'est vrai que ça change parce qu'on est entouré de cartes. Hein, toutes nos applications ont des cartes, ça nous permet de nous déplacer rapidement, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans le livre de Jerry Breton, Une histoire du monde en 12 cartes, il prend à la fin, comme dernière carte, Google Earth, qui n'est finalement pas une carte, hein, qui est une représentation d'un globe réalisé donc informatiquement. C'est intéressant de voir que finalement, voilà, ça change notre rapport à la carte. On a finalement une expérience sensible qui n'est pas forcément toujours présente, hein, puisque voilà, on les a de manière informatique. Mais toutefois, on a aussi, malgré tout, hein, cet aspect collaboratif. Hein, je pense à des projets comme OpenStreetMap ou d'autres, qui sont modifiés en temps réel par les utilisateurs. Et donc finalement, on conserve d'une certaine manière un petit peu cet aspect collaboratif de la production cartographique. Jean-Marc Besse, pour conclure et pour boucler cette boucle cartographique qui s'écrit encore bien sûr au présent, qu'est-ce que ça vous inspire, cette numérisation et cette cartographie du monde qui s'écrit en temps réel? Bah, déjà, ce qu'on peut signaler quand même, c'est qu'il y a une grande différence entre la carte béton qui papier, pour faire vite, hein, et la carte numérique, la carte sur les écrans. La carte sur un écran qui est liée à un système d'information géographique est-elle encore une carte au sens où nous en avons parlé jusqu'à présent? Vous voyez, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? En vérité, lorsqu'il s'agit de ce genre de cartographie numérique là, oui, ce serait vraiment un très long débat supplémentaire. C'est une représentation graphique d'un ensemble d'informations qui sont sélectionnées et qui peuvent être variées, oui, etc., etc. Ce que nous voyons sur l'écran, c'est l'interrogation d'un système d'information, au fond, hein, c'est un peu différent. Quoique, et en même temps, est-ce qu'on peut se demander si c'est pas ça, au fond, la permanence de l'ontologie de la carte, c'est-à-dire que la carte, au fond, c'est cet outil graphique qui recueille une information et qui permet de la rendre visible de manière ordonnée, telle manière que, effectivement, les usagers, les utilisateurs, scientifiques ou non, hein, puissent avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans lequel ils sont. Il y a donc une permanence aussi dans notre approche cartographique du monde, et c'est ça qui est beau dans cette représentation de notre environnement qu'on réalise sur plan. Merci beaucoup à vous deux, Geoffrey Philippot et Jean-Marc Besse, d'être venus nous parler de cette histoire de la cartographie. Et comme chaque jour, on se quitte en musique, aujourd'hui avec les Yé Yé Yés et le morceau Maps. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Umdenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Milena Elig, à la technique aujourd'hui Jean Frédérics. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain, dans Eureka, nous vous parlerons de l'invention d'un matériau qui a changé la face du monde au point de devenir un fléau écologique. On vous parlera de l'invention du plastique. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. Say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say France Culture. L'esprit d'ouverture.